Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Louis-Philippe Quentin et Jimmy Thibaudeau feront un survol de l'actualité locale et internationale. Et Gabriel Béhoud nous fera entrer dans l'univers biscornu et singulier de l'improvisation dans les coulisses de la Luître. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mardi 8 mars 2016, 49 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdelle. Hello! Ça te fait danser cette musique? Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas, ça nous met dedans. On dirait une petite chanson là, dans le sud quand t'arrives à l'aéroport dans les films. Tu sais, il nous manque juste le petit collier en fait. Brésil! Voilà. Quelque chose comme ça, Jamaïque, je sais pas trop quoi. C'est ça. Donc, bienvenue à l'émission aujourd'hui. On a à 8h Jimmy Thibaudeau et sa chronique C'est dans le monde que ça se passe. On parle d'actualité internationale passée sous le radar. Ensuite, à 8h30, Gabriel Béhoud est dans les coulisses de la Luître. On va parler du match d'hier entre les Rouges et les Verts qui a fini en fusillade parce que c'est l'égalité à la fin du match. Donc, et ça s'est terminé tard. Ça s'est pas si bien. Ah, parce correct, correct, correct. À 9h, Louis-Philippe Quentin, Journal Zone Campus, et l'avant-dernier numéro. Il en reste 3 après celle-là, je pense. C'est vrai. Il en reste pas beaucoup. On tire à notre fin. Oui, la pour session. Pour le Zone Campus. Ça se termine rapidement. Comme j'ai dit, 49 jours avant la fin de la session, ça avance pas mal vite. Le temps de survivre de bord, et juste après, ce sera ta chronique à toi. Tania, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, je vous ai déjà vendu les vertus du chocolat, je vous ai déjà vendu les bons côtés du café. Ce matin, je vais vous parler de thé. Ah ben! Ben oui! C'est fancy pas mal, ça? Full fancy. La chronique le doigt en l'air? Mais pour l'instant, voici Paper Kites et Renegade. Assemblage requis. Had a dream that I sent for your love in the morning, and you came to me at about 2:45. You said I didn't look like I used to look, and man, I do not know your face. And I woke to discover that the thing that you said true to me. Paper Kites, Renegade, à Assemblage Rock. Maintenant, elle s'envole comme un cerf-volant. Et on va s'arranger pour pas poigner de choc en les touchant. Voici Tania Baudet et Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain. La phase de dégoût à chaque fois. Ah, oh, c'est les muscles, hein? Ouais. J'ai entraîné hier, hein? Et voilà. C'est ça, c'est pas ma voix délicieuse. Donc, Tania, aujourd'hui, on parle de thé. Oui, on parle de thé, plus précisément le fameux thé vert, parce qu'on se pose souvent la question et il y a comme une espèce de débat. Je le disais tout à l'heure, je vous ai déjà vendu les vertus du café, je vous ai déjà vendu les bienfaits du café, qu'est-ce que ça fait exactement. Et là, je suis comme rendue à vous parler du thé parce qu'on entend souvent la fameuse question, est-ce que c'est mieux que de boire du café ou encore du thé? Ouais. Donc, de ce côté-là, il y a comme ce fameux grand débat. Là, je pense pas que je puisse répondre à la question d'ici la fin de la chronique parce que ça se ressemble beaucoup. C'est vraiment selon vos goûts. Ouais. Si vous buvez du café parce qu'automatiquement vous voyez que vous avez un boost de plus d'énergie, mais de ce côté-là, je peux pas vraiment vous dire de pas boire de café. Par contre, c'est sûr que le café, comme je vous l'avais déjà dit, ça a un petit peu de méfait. Ça peut augmenter les risques de le cancer de la vessie, puis tout ça. Risque cardiovasculaire aussi, on en avait déjà discuté. Donc de ce côté-là, c'est vraiment une question de dosage, puis de vos goûts surtout, à savoir si vous préférez le café ou le thé. Mais pour quelqu'un, exemple, comme moi, qui aime bien les deux, qui se pose souvent la question « Ok, ce matin, est-ce que je bois un café ou je bois un thé? » Peut-être que cette chronique-là va vous être un petit peu plus utile. Qui sait? Donc, pour ce qui est du thé, mais déjà en partant, il faut savoir la quantité par jour. Quelle est l'importance de la quantité par jour? Il faut quand même pas excéder 6 tasses de thé vert par préférence. Puis, on le boit en temps normal à l'extérieur des repas. Donc, soit avant de manger, soit après de manger, mais on essaie de l'éviter tout en mangeant. Un peu comme le café, quoi. Ah, ça, je sais pas. Parce que ça va peut-être créer certains brûlements d'estomac en mangeant. Il y en a qui sont sensibles à ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis aussi, on essaie d'éviter d'ajouter du lait dans notre thé. Il y en a beaucoup qui le font, les Britanniques font ça. Mais on va essayer de pas ajouter ce fameux lait-là parce que c'est le côté peut-être plus désagréable du thé, c'est que automatiquement, si vous rajoutez du lait, vous avez plus de chances d'enlever les vertus de votre thé parce que vous le diluez de façon automatique. Ouais. Donc, de ce côté-là, la protéine de lait de vache va comme empêcher l'action des vertus et des bienfaits du thé, dont la catéchine. Catéchine. Ou les catéchines. C'est bizarre quand même. Avoue que ça sonne catéchèse. C'est ça. Quand j'ai cherché sur Google quelles étaient les catéchines, la première option qu'on m'a sortie, c'est catéchèse. Et automatiquement, j'étais comme, non, je crois pas que ce soit la même chose. Donc, en fait, qu'est-ce que la catéchine? C'est un composé de la famille des flavonoïdes, de la sous-classe des flavanols. OK. Je l'ai dit. Et puis, ben oui, exactement. Elle est aussi connue sous le nom de catéchol. Puis, il y a plusieurs autres noms qu'on peut lui dire aussi. Mais souvent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser de façon scientifique pour imposer le terme de catéchine dans plusieurs dérivés de thé. Donc, on le retrouve dans plusieurs sortes de thé. Mais comme ce matin, je vous parle plus de thé vert, ben on le retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le thé vert. Le terme de catéchine est aussi parfois utilisé pour désigner la classe des flavanols, donc flavanol 3-OL, flavanol 3-4-OL, les esters galliques, et c'est surtout pour éviter la confusion entre la classe et le composé de ce dernier. Donc, automatiquement, ce qu'on en comprend, c'est que c'est comme une bonne vertu qui se retrouve dans les feuilles de thé. Ouais. Que ce soit de thé vert, de thé noir ou quoi que ce soit, la quantité va différer selon la sorte de thé que l'on va boire. Mais comme je parle de thé vert, la catéchine se retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le thé vert. Il faut savoir aussi... Attendez... Tout a comme explosé en même temps. Donc, je vous parlais de la quantité par jour et tout ça. On parle quotidiennement de 3 à 6 tasses par jour. Comme je le disais, il ne faut pas excéder le 6. C'est presque ce qu'on fait avec le café en temps normal. Exactement. Moi, on pourrait s'adapter au thé. Ben oui, automatiquement. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question parce que si on prend ça comme ça, si on prend le café d'un côté et le thé de l'autre, Les deux se ressemblent beaucoup, que ce soit en quantité, que ce soit en vertu, en bienfait. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment presque juste une question de goût, ouais. À savoir lequel des deux on préfère, le matin ou le soir, peu importe, c'est comme vous le désirez. Le thé vert, bien évidemment, ça a une des priorités antioxydantes, ça, je pense que tout le monde le sait. Donc, boire du thé vert, c'est comme recommandé, et de plus en plus fréquemment aussi, étant donné sa forte teneur en catéchine et en polyphénol. Qu'est-ce que le polyphénol de maintenant? J'ai l'impression que tu vas me le dire. Je me sens comme vraiment intelligente ce matin. Bien, en fait, ça constitue une molécule organique largement présentée dans le règne végétal. Donc, automatiquement, on va le retrouver encore une fois dans les feuilles de thé. Mais les polyphénols, ça prend une importance croissante, notamment grâce à leur effet bénéfique sur la santé. Donc, de ce côté-là, on voit vraiment qu'il y a un côté beaucoup plus positif du polyphénol que, exemple, le catéchine, parce que c'est beaucoup plus descriptif. Et en fait, ça joue un rôle très, très oxydant naturel et ça suscite de plus en plus l'intérêt sur la prévention du cancer. Non. Donc, de ce côté-là, c'est souvent ce qu'on va rechercher dans le bienfait du thé. Et dans certains thés, il y a plusieurs personnes qui vont vraiment chercher à retrouver ces polyphénols-là dans les feuilles ou quoi que ce soit, parce que non seulement la prévention du traitement du cancer, mais ça fait aussi, ça aide pour les maladies inflammatoires, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives. Donc, de ce côté-là, ça a vraiment un bienfait sur la grande capacité de notre santé et tout ça. Donc, c'est quand même très bien. Ils sont aussi également utilisés comme additifs pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Donc, parfois, on peut le retrouver dans d'autres aliments, mais d'où ça vient automatiquement, en temps normal, c'est des feuilles de thé. Donc, c'est pourquoi les personnes qui vont souffrir de certaines maladies, parfois, vont boire peut-être plus de thé. Ah. C'est parce que, justement, leurs médecins vont leur avoir dit « va chercher des aliments et tout ça qui prône le polyphénol, et c'est dans le thé qu'on en retrouve le plus. Comme je le disais, ça a des propriétés très, très antioxydantes. Ça s'oppose ça diminue les risques de cardiovasculaires, comme je le disais, donc les maladies cardiovasculaires. On voyait du côté du thé que ça peut les augmenter, tout dépendant de comment est-ce qu'on en buvait. C'est un petit peu la même chose avec le thé. Il faut savoir que la modération est bien meilleure. Ouais, et là, c'est de petites proportions. Ça va augmenter ou descendre de petits chiffres, j'imagine. Mais oui, c'est ça. C'est sûr que tu commences à boire du thé, soudainement, t'es pas sur t'es un... safe. C'est ça, t'es pas en maladie cardiovasculaire automatique. Il faut pas sauter aux conclusions trop vite. Il y a la prévention de la maladie de l'Alzheimer aussi. Non. Le thé vert, ça prévient la maladie de l'Alzheimer de ce côté-là. Et c'est les catéchines qui auraient un rôle très important là-dedans, parce que ça viendrait justement prévenir la maladie d'Alzheimer de façon neurologique. Donc, la catéchine que l'on retrouve dans les feuilles et la polyphénol, éléments. Oui, ces deux éléments-là, ensemble, vont vraiment venir jouer de façon neurologique pour prévenir la maladie d'Alzheimer de ce côté-là. Il faut aussi savoir que le thé vert, ça peut prévenir certains cancers, comme je le disais tout à l'heure. Le fait de boire du thé vert, ça diminuerait aussi potentiellement les risques de cancer colorectal. Ouais. Le cancer de la vessie et le cancer de la prostate. Donc, du côté du café, la dernière fois, je vous avais dit que ça peut augmenter les risques du cancer de la vessie. Je l'ai dit tout à l'heure, là, c'était le cancer du côlon, le cancer du rectum et le cancer de la vessie. Mais le thé, ce que l'on peut voir, c'est que ça va diminuer les risques de ça. Donc, de ce côté-là, est-ce que vous préférez le thé parce que ça va diminuer ces risques-là? Encore une fois. De minuscules... pourcentage? C'est ça. De minuscules pourcentages, c'est que c'est très, très, très naturel, ouais. Comparé à certains cafés que l'on peut retrouver. C'est à long terme aussi, j'imagine, si on boit du thé toute sa vie. Exactement. Ouais. Si on commence à boire du thé, je sais pas moi, dans notre adolescence, et que rendu plus vieux, on peut voir la différence, bien tant mieux. Peut-être. On a des amis au bord de la porte, c'est pour ça. Il ne fait pas référence. Fait ben comme non. Si c'était un fantôme. Oui, c'est ça. Le thé aussi, ça va lutter contre le stress. Ça va nous déstresser. Donc, parfois, lorsqu'on va boire du café, on va être sur comme une espèce de hype d'énergie. Ouais. Le thé vert va nous donner cette espèce de hype d'énergie-là aussi. Par contre, il faut savoir que ça va vraiment nous déstresser. Donc, on dirait que ça vient contrebalancer tout ce que l'on, les effets négatifs que l'on voudrait pas avoir du café. Ah. Donc peut-être que le thé vert serait une meilleure option que le café. So far, so good. Mais le goût... Ah, ah ben, ça dépend. Ah. Tu peux y ajouter du miel. Oh, c'est vrai. Tu dis pas de lait, mais du miel, ça fonctionne. Pas de lait, mais du miel, c'est naturel. Oui. Oh, quand ça rime, c'est vrai, en plus. En plus. le thé vert, bien automatiquement, ça va favoriser la digestion. On avait vu la même chose du côté du café aussi. Ça enraye la diarrhée, donc vous allez peut-être avoir moins de complications de ce côté-là. Le café fait le contraire. Ça a tendance à envoyer aux toilettes. Oui, en effet. Ça va vous aider à lutter contre la toux et les mucosités abondantes. Donc, si jamais vous avez une grippe, si jamais vous voyez que ça fait quelque temps que vous ne filez pas, à la place de boire du café, peut-être essayez le thé vert le matin en vous levant. Ça va vraiment dégager vos... voix nasale. Voix nasale, merci. Tu pointes ton nez et je sens ouais, des ça. Affaires. J'étais là, non, c'est pas les neurones, mais les narines. Donc, les voix nasales, ça va vraiment essayer de dégager de ce côté-là. Et même chose pour la gorge, si vous voyez que vous avez peut-être des petits problèmes de gorge face à la toux et tout ça, mais allez essayer de façon quand même assez modérée vers le thé parce que ça peut être sec à quelques reprises. Un peu comme le café, ça va venir assécher. Donc, allez-y selon votre dose à vous, mais vous allez voir une nette amélioration de ce côté-là. Comme je le disais, ça diminue les risques d'avoir une maladie coronarienne pour les yeux. Donc, vous allez avoir peut-être moins de difficultés à voir si vous buvez du thé vert toute votre vie. Je vais me mettre à boire du thé vert. bien évidemment, ça va abaisser la tension artérielle et ça détruit les virus et les bactéries dans tout le corps. Donc, de ce côté-là, on a vraiment une panoplie de bienfaits du thé vert, mais est-ce qu'on a quelques points négatifs du thé vert? Outre le goût, selon Mathieu. Ben, ça dépend lesquels. Ben, c'est sûr que ça... Chaque chose a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Donc, du côté du thé vert, ça peut causer des ulcères gastriques. Au niveau de l'estomac et du tube œsophagien. Mm-hmm. Oui, du tube œsophagien. Ça peut créer des ulcères, ça peut créer des brûlements d'estomac aussi. Comme je le disais tout à l'heure, tout va dépendre de comment vous en buvez. Si vous buvez 2 thés verts par jour, il y a forte chance que ça ne le fasse pas. Mais si vous en buvez 8... Comme si vous abusez du café, par exemple, mais c'est sûr que vous allez augmenter vos chances d'avoir des brûlements d'estomac et des ulcères. C'est un vient avec l'autre. Hein. Ouais. Ça peut causer parfois des palpitations cardiaques. Et ça peut aussi provoquer une vision trouble si consommé avec excès. Donc, encore une fois, c'est vraiment d'essayer de doser un petit peu comme le café, comme je le disais tout à l'heure. Et ça ralentit l'absorption de plusieurs minéraux, comme exemple le fer, et ça peut parfois causer l'anémie. Ah. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est le point négatif que j'ai trouvé qui était le plus négatif. C'est que oui, ça va vraiment venir chercher, ça va vraiment venir absorber les minéraux naturels que vous avez dans votre corps, mais ça va aussi vous enlever les bienfaits des minéraux du thé parce que ça va l'auto-absorber dans votre propre système. Donc, le fer, peut-être prendre des capsules de fer si vous buvez beaucoup, beaucoup de thé, on ne sait jamais. Sachez que ça peut faire des taches brunes sur vos dents. Triste. Ouais, quand que c'est comme on a entendu tes dents, ça va. Quand c'est consommé en très, très grande quantité, là, un peu comme le café, on le voit dans plusieurs annonces de pâte à dentifrice. Ouais. C'est les choses qui reviennent très, très souvent. Éviter le café, éviter le thé, éviter le vin rouge. Automatiquement, ce sont les bonnes choses de la vie. On ne ferait pas grand-chose. C'est ça. Ouais. Faites attention de ce côté-là. Ça peut être peut-être plus à risque pour certains si vous avez l'émail plus... faible. Plus faible, ouais. Exactement, et plus... je ne veux pas dire rapetissé, mais mince. Et voilà. Il est contre-indiqué de consommer du thé vert aussi si vous êtes enceinte. Ah oui, je savais pas oui. Ça. Ça, c'est triste. Exemple, pendant une période d'allaitement, puis si vous êtes sujet à faire de l'insomnie pendant votre grossesse, faites attention, consultez votre médecin, demandez-leur. Vous allez voir, ça va être selon votre médecin, mais en temps normal, on essaie d'éviter le thé vert pour les palpitations cardiaques du bébé, apparemment. Donc, trop intense pour eux. Ben, un peu comme le café, je pense. Je pense que le café aussi, il faut que tu essaies d'éviter en même temps. Pendant que... Si nous, on a des palpitations, imagine à cette taille-là. Ben, c'est ça. Ça n'en rendra pas beaucoup, là. Non, en effet. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Je vous parlais du thé vert, mais j'ai récemment découvert une sorte de thé vert qui est très différente et qui peut-être pourrait être encore meilleur que le thé vert. Hein? C'est le thé matcha. Matcha. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Non? Ben, qu'est-ce que le thé matcha, en fait? C'est, ça fait partie des feuilles de thé vert moulu. On le retrouve notamment au Japon durant plusieurs cérémonies traditionnelles du thé. Ça arrive souvent qu'on va voir ça dans des émissions à travers le monde, là, ou peu importe. Mais la principale caractéristique du thé matcha, c'est qu'à la place de l'infuser comme un thé normal en feuilles, on va le retrouver sous forme de poudre. Ah. Donc, on va pas l'infuser dans exemple, une petite poche ou dans une petite boule. Une petite boule à thé comme on voit au David Tea. Ouais, c'est ça. Comme une petite boule qu'on voit au David Tea, mettons, mais on va vraiment le préparer avec de l'eau et directement dans l'eau. Donc, de ce côté-là, ça se fait peut-être plus facilement. Vous allez voir comment vous gérez la chose. Moi, j'ai goûté celui au David's Tea qui s'appelle le matcha à la vanille. Et c'est très, très bon. Je suis restée super surprise du goût. C'est pas très agressif. Et je vous dirais que le goût est quasiment plus appréciable que le thé vert. Donc, peut-être que de ton côté, Mathieu, tu disais tout à l'heure que t'aimais pas le goût du thé vert. Peut-être que le matcha en poudre serait une bonne option pour toi. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on prépare le matcha? Ben, comme je vous le disais, c'est un thé qui est fait en poudre. Donc, il suffit de mélanger avec de l'eau chaude à la température idéale pour le thé, soit, exemple, 80 degrés Celsius, là, ça joue aux alentours de ça. Puis, on conseille aussi de commencer par un quart à une demi-cuillère à thé pour pas brusquer votre organisme quand même et d'y aller graduellement jusqu'à une cuillère à thé par semaine. Okay. Là, pourquoi par semaine? Je sais pas. Mais en fait, ça dit de vraiment y aller de façon graduelle pour que votre corps s'habitue justement à cette absorption de thé-là qui va être différente. Qu'est-ce que sont les bienfaits du matcha qui vont venir vraiment différer du thé vert? Bien, contrairement au café aussi, le matcha va libérer sa caféine sur une période de plusieurs heures. C'est pourquoi il vous donne de l'énergie pour vraiment toute la journée. Oh. Vous pouvez ajouter le matcha, je vais le dire un petit peu plus tout à l'heure, mais vous pouvez l'ajouter à plusieurs choses dans votre alimentation. Dans du yogourt, mettons, comme ça? Exactement. Donc, vraiment, vous allez voir cette espèce de boost d'énergie-là pendant toute la journée. Et le matcha est aussi bourré de nutriments et d'antioxydants. Donc, côté antioxydants, par exemple, il faut boire 10 tasses d'un autre thé pour obtenir la quantité fournie par une demi-cuillère à thé de matcha. Donc, pour une demi-cuillère à thé de matcha, il faut se taper 10 verres de thé vert. Mmh. De façon automatique, qu'est-ce qu'on prend? Je sais pas, là, mais j'irai vers la petite poudre. Donc, outre ses vertus stimulantes, il faut savoir aussi que ça l'aide à combattre le cancer, un peu comme le thé vert normal, qui agit vraiment positivement sur l'humeur de la personne. Ça augmente l'énergie, ça soulagerait les maux de tête, ça renforce le système immunitaire. Hey, j'en veux. Vraiment. Et ça possède, attention mesdames, ça possède des qualités anti-âge. Ça viendrait réduire les rides de la peau. Où est-ce que je trouve ça, moi, là, de la poudre de matcha? Je vois chez... Au David's Tea. Ah, ils ont ça. Ils ont ça. Aïe, aïe. Je pense que je vais t'en amener jeudi. Ben oui, je vais te le faire goûter. Essayons ça, ce serait drôle. Moi, j'en ai déjà goûté, bien évidemment, mais je pourrais te le faire goûter je te le présente là, présentement. T'es fine. D'accord. Puis, je vous disais que plusieurs autres façons aussi de consommer le matcha, autre que simplement le boire. Bien, il faut... vous pouvez l'ajouter à vos sauces à salade, si jamais ça vous intéresse. C'est que ça goûte à rien, j'imagine, dans de la sauce à salade. Ou dans j'imagine que ça va vraiment venir se mélanger au goût. Et comme le thé vert, ça goûte le... Ben, je veux pas dire le vert, mais ça goûte... Ça goûte un peu les herbes de ce côté-là. Bien, si jamais vous avez une vinaigrette aux herbes, vous n'allez pas vraiment voir la différence, mais vous allez vraiment ressentir tous les bienfaits du matcha. Donc, pensez-y, c'est vraiment une bonne option. La sauce à salade, j'y avais pas pensé. Il y a le yogourt, comme on disait tout à l'heure, le latte. Et moi, je le fais comme ça. Là. Je l'ai acheté pour ça, entre autres. L'ajouter à des smoothies. C'est une excellente façon de consommer le matcha parce que vous cherchez justement cette espèce d'énergie-là dans un smoothie. Donc, si en ajoutant de la poudre de matcha, vous pouvez peut-être, je dis bien peut-être, éviter de prendre des poudres protéinées là, pour être meilleur au gym, ben allez-y peut-être plus du côté naturel avec de la poudre de matcha. Vous allez voir vous-même si votre énergie au gym, par exemple, va être meilleure et si votre humeur va y jouer aussi. Donc, moi, je le fais comme ça. Et j'ai deux petites recettes pour vous si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment pas très compliqué. Le premier smoothie, c'est un smoothie vert. Donc, c'est une demi-cuillère à thé de poudre de matcha. 3/4 de tasse de lait ou de boisson végétale. Donc, ça peut être, exemple, du lait d'amande, du lait de soya, de l'eau de coco, si jamais ça vous intéresse. Une cuillère à thé de miel, une banane et un demi-avocat. Donc, vous mettez tout ça dans le blender, là. Puis, ça vous fait un beau petit smoothie vert. Vous avez aussi le smoothie immunité, où ça va vraiment aller jouer pour votre système immunitaire, renforcer le système immunitaire. Donc, c'est une cuillère à thé de matcha, 2 cuillères à table de gingembre frais, soit haché ou râpé, c'est comme vous le désirez, 1/2 tasse de glace, du jus de 1/2 lime et du miel au goût. Vous y allez encore une fois dans le blender, vous allez boire ça et ça va vraiment venir renforcer votre système immunitaire. Puis le gingembre, ben on commence à le connaître de plus en plus justement pour ses bienfaits du système immunitaire. Donc si vous joignez les deux, matcha, gingembre, je vois pas comment vous pourriez mal filer dans votre journée. Voilà. Eh bien, matcha grano. Matcha grano, mais comme je le disais à la fameuse question café ou thé. Café. C'est vraiment selon vous. Je vous dirais que moi, j'essaie de diminuer le café parce que je voyais ces fameuses palpitations cardiaques-là arriver de plus en plus. Et je suis seulement à la mi-vingtaine. Hein? Alors, Déjà vécu beaucoup de choses dans ton corps avec la vie. Donc, exactement. Donc, du côté de la caféine, peut-être réduire et peut-être augmenter le thé. On va essayer. En tout cas, tu vas essayer. Oui, c'est ça. moi, je te garantirai là-dedans. Merci, Tania. Merci à toi, Mathieu. Est-ce que tu connais un groupe de Montréal qui s'appelle Tea? Tea? Je te jure. Mais non, je ne savais pas. Indie folk qui incorpore harmonie, piano, harpe, basse, flûte, trompette, guitare, batterie, percussion pour créer un son novateur. Donc, les voici avec October Tea à Assemblage Rookie. Thank you.

le dit, c'est tellement weird. Les amis au Pakistan et Mumph. Ah, ça me l'a truqué. Autour de la pause, on parle d'improvisation avec Gabriel Béaud et dans les coulisses à l'huître. À son âge requis, pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki. Toujours à Assemblage Requis, on se mardi 8 mars 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. On a quelques minutes de la chronique dans les coulisses à la huître avec Gabriel Béaud. Plus tard aussi, à l'émission, on aura Louis-Philippe Quentin, journal Zone Campus. Une grosse émission devant nous. Mm-hmm. La deuxième heure. Dépendant de quand vous écoutez. Sinon, tout de suite, on écoute une de mes pièces préférées, c'est pas mal à moi. Ah ouais? Il y en a 40 en tout, je pense ouais, que ça. C'est une de mes préférées. Voici Etou Broussé avec Hey Blue. Sourcil. The king is in. Back to back with the downtown winds. The king is in. His story can begin. Late at night on the street. I know. Missing you, I'm tearing up my list for you. Something about this picture is not right. Hey, tout broussé, la pièce est Blue, qu'on l'adore. Donc, cette pièce-là, j'écouterai à tous les jours, moi, personnellement. Hey, c'est tellement vrai. Hein? Ouais. Maintenant, un autre que j'écouterais tous les jours, sauf qu'à un moment donné, lui-même, il voudrait pas nous entendre, lui, à tous les jours. Probablement pas. Non, c'est ça, je suis en train de faire planter complètement mon logiciel de, de musique pendant que je sors là. Fait que je patine peut-être un petit peu, là, mais bon. Ah, voilà. Salut, Gabriel Béhoud. Hey, salut, Mathieu Plante, ça tout le temps. Hein? Bonjour. Comment, bonjour? C'est dans les coulisses de la Luitre. Oui. Hey, salut Mathieu. Bonjour, ça va? Très bien. Ouais, je sais que j'avais de la misère à discuter des fois parce que la pièce qu'on avait jouée avant la pause, c'était particulièrement désagréable. Ben moi, je trouvais ça cool, je trouvais ça vraiment éclaté. T'es un maudit fucké, c'est ça l'affaire. C'est ça qui arrive. Gabriel Béhoud, on est content de t'avoir avec nous parce que qui se rassemble s'assemble. Oui. Hein? C'est aussi c'est ce qu'on dit. Ben, il y avait un match d'improvisation hier soir. Hey, ben oui. Ici même à la Chasse-Galerie, en fait, entre les Rouges et les Verts. Dernier match de la saison régulière. Absolument. T'as été capitaine tout le long. T'as réussi à pas te faire sacrer dehors. Non, exact. Ça m'a surpris parce que l'arbitre était Maxime Tanguay. Ouais, je sais. Il aime ça mettre les gens dehors. D'habitude, il est assez sévère. Donc, c'est un match, comme tu l'as dit, l'avant... Dernier match régulier. Ouais, pour les deux équipes, c'était le dernier match de la saison régulière. C'est ça. Il y en reste un la semaine prochaine entre les Oranges et les Bleus. Voilà, et ce match-là a déterminé les positions du top 4. Hein? Hein? On a appris ça tantôt, on en reparlera sur la page Facebook, là, je l'ai pas ouverte devant moi. Mais, tu savais pas, hein? Oui. T'as l'air étonné. Il y a toujours c'est l'air étonné. C'est un maudit acteur, c'est un joueur d'improvisation. C'est, c'est de la comédie. Il peut avoir l'air de n'importe quoi, là, comme là, mettons, il pourrait avoir l'air comme genre offusqué que tu lui aies dit ça, mettons. Triste. Je fais des gros yeux. Oh. Hey, avant de parler plus en détail du match d'hier, on avait un reporter sur le terrain. Oui. On est-tu d'adon pareil, hein? Ben, tu dis. Check-moi le budget, c'est machine d'enregistrement, d'entrevue, autrement. C'est pas des blagues, là. C'est incroyable, c'est lundi soir, le matin. Allez, allez, allez! Écoutez lundi soir le matin la chronique sur l'impro universitaire. Mon nom est Gabriel Béhoud. Je suis au 10-12, le local avant un match de la Luitre, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Ce match est le dernier match avant les séries éliminatoires pour les Rouges et les Verts. La semaine prochaine, il y a un autre match, mais pas ces deux équipes-là. Face à face. Je suis avec Alexandrine Pichet-Sire. Alex, comment entrevois-tu le dernier match de la saison? En fait, j'ai beaucoup de peine, je pense, parce que, tu sais, dernier match, puis après ça, ben, il va avoir la pression, puis je sais que mon capitaine, c'est vraiment quelqu'un de super compétitif, puis des fois, quand je gagne pas le point, ben, il me fait des choses. Alex, toi, pour évacuer la pression, vu que t'as pas de gens dans une équipe à bullshit, qu'est-ce que tu le dis, hein? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu fais, genre? Ah, en fait, j'ai toujours mon petit rituel avant-match. Je mange des fèves germées avec un smoothie de germes de blé. Après ça, je vais faire un bon 1h30 de yoga chaud pour évacuer les toxines. Je me fais aussi un masque à l'avocat et au purin de chèvre. Puis après ça, ben, je me sens bien, je me sens zen. Puis après ça, peut-être pendant une heure et demie avant le match, je réchauffe ma voix, je fais des vocalises, des choses comme ça. Parlant de vocalises, veux-tu nous faire un extrait de chant de gorge inuit? Chant de gorge, non, c'est pas dans mon répertoire, je suis désolée. Ben dans ce cas-là, bon match. Merci Gabriel, bon match à toi aussi. Face à face. Je suis avec une joueuse de l'équipe des Verts, Mag Ali. Magali, comment tu te prépares pour le dernier match, toi, de la saison régulière? Bonjour, Monsieur Béhoud. Je voulais vous dire d'ailleurs que j'adore votre émission, que je l'écoute religieusement tous les petits matins. Alors, comment je me prépare, c'est bien simple. Je joue de l'ananas tassé avant chaque match. Je fais 2-3 push-ups, puis religieusement, je lis la dernière page de la Bible, car le Seigneur est toujours avec moi. La dernière page de la Bible, Magali, qu'est-ce qu'elle dit, la dernière page? Ah, c'est simple. Elle dit « Le Seigneur fait de moi une merveille » et je trouve que je suis moi-même une merveille en soi, donc c'est fabuleux. Je m'auto-complimente avant chaque match, ça me donne de la confiance en soi. Dernière question, Magali. Avec les séries qui approchent, comment comptes-tu changer ton rituel d'avant-match de série pour match? Alors, je ne dormirai plus... Je ne dormirai plus parce que je vais être trop stressée. Parce qu'on va en demi-finale, tout le monde, en demi-finale. Puis j'espère beaucoup aller en finale. Alors, je crois que le manque de sommeil va m'aider pour le prochain match. Merci, Magali. Bonne chance pour l'aller en finale. Et puis, ben là, c'est 2 Red Bull par jour. Oui. Et puis, 2 cafés idéalement par jour. Oui. Merci. Bon match. Ça me fait plaisir. Je dois vous dire que vous étiez très beau, M. Béhoud. Je suis avec Antoine Lacasse, un des arbitres qui a reçu l'étoile de l'arbitre. Antoine est venu jouer à cause de Nadia, là. Moi, je parle de corruption, de collusion. Antoine, comment qualifierais-tu cette étoile? Écoute, je pense que c'est un cadeau du ciel, là. Je l'attendais vraiment pas. Maxime m'a vraiment surpris avec cette étoile-là. Par contre, je suis pas vraiment d'accord avec la collusion. Il n'y a jamais eu d'argent là, qui s'est passé dans cette histoire-là. C'est un privilège que Nadia a gagné là, ardemment. Antoine, des sources m'ont dit qu'il n'y avait pas eu d'argent, mais beaucoup de services particuliers qui ont été passés entre toi... Nadia, et puis Monsieur Tanguy, l'exécrable, tes commentaires? En fait, c'est plus avec Francis Dugré-Lampron que tout ça s'est passé. Comment qualifierais-tu l'expérience avec Monsieur DL? Antoine, écoute, tu peux m'en parler. J'ai déjà passé par là. Pour vrai? C'est ce qui conclut cet épisode de lundi soir le matin. Antoine, t'arbitres quand dans... Quand? La semaine prochaine. Bon match, et puis prépare ton passing. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Je me croyais qu'on laisse le silence comme à la fin. Hey, c'était le tour le matin avec notre collaborateur sur le terrain, Gabriel Boutentrain-Houd. Oui. Donc hier, c'était un match entre les Verts et les Rouges. On a entendu Antoine Lacasse qui était à l'étoile de l'arbitre. Et là, vous me direz, ouais, mais Colin, il n'est pas joueur de la lutte. Non, mais c'est un arbitre en plus. C'est ça, il est arbitre. Le coup de théâtre. Parce que le premier match de l'année, en fait, c'était un match des capitaines. Oui, les Impro-Lépiades. Ouais, exact. C'est en plein ça, les Impro-Lépiades. Et puis, Nadia Tranchemontagne les avait gagnés. Oui. Elle avait donc gagné le super privilège. Pouvoir. Ouais, le privilège de faire venir un joueur qui ne joue plus dans la luitre. Un ancien joueur de la luitre. Oui. Oui. Donc, elle a fait venir Antoine Lacasse sur les planches de la chasse-galerie. Et puis, j'ai eu la chance de jouer avec M. Lacasse dans une impro de bûcheron syndiqué assez... top, merci. Absolument. C'était n'importe quoi. Elle a choisi, oui, dans le fond, de l'utiliser dans une nouvelle sorte d'impro. Ah oui, une nouvelle catégorie, vraiment le fun. C'est vient de Drummond, Victoriaville, quelque Victo, chose comme ça. Victo, ouais. C'est l'arbitre. La poutine vient de Drummond, l'impro, dans le fond, Tinder vient de Victo. J'étais tout mêlé, moi, là. Mais donc, Maxime Tanguay, l'arbitre de la soirée, a remarqué cette nouvelle sorte d'improvisation-là et l'a amené ici. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe, une improvisation Tinder. C'est super le fun, en fait. C'est que chaque équipe désigne un joueur qui va swiper. C'est-à-dire qui va jouer à Tinder. T'sais. Oui. Donc, il s'installe. Gauche, droite, au bas, à gauche, à droite. Exactement. Oui. Donc, là, il s'installe. Et puis, toute l'autre équipe se présente sous forme de personnage. Donc, ils peuvent arriver et dire « Bonjour, je m'appelle Guy, j'ai 37 ans, j'ai 22 chats. » Là, blablabla, il se présente. Là, tu dis « Ah non, je le swipe. » Fait que je l'aime pas. Bading. Mais là, de fil en aiguille, on te présente une quantité incroyable, ouais, de personnages. Tu peux en avoir 12 avant qu'on fasse oui. Exactement. Et puis, lorsque tu en trouves un qui fait ton bonheur, exemple, hier, il y a eu Antoine qui était un bûcheron que j'ai particulièrement aimé. En fait, Antoine s'est présenté malade, devant toi 5 fois avant que tu dises oui parce que c'était la twist qu'on lui a donnée. Étant donné qu'Antoine jouait, il s'est dit qu'il allait faire chaque Tinder match. C'est sûr, fait que j'avais pas le choix de jouer avec Antoine, mais ça m'a fait c'est plaisir. Ça. Et ça dépendait donc juste du personnage, et à chaque fois, il changeait son soleil de place, se faisait une bedaine, se faisait une... Ouais, c'était quand même comique, ça. C'est très réussi. Et puis, ben là, c'est ça, on choisissait un des personnages. Lorsqu'on choisit le personnage, ben nous le sélectionnons, et puis nous avons une genre de date d'improvisation, c'est-à-dire qu'on fait une impro avec le personnage qu'on nous a présenté. C'est comme un peu le thème de l'improvisation. Ouais. Donc, c'était. Et dans le fond, t'as swipé Antoine Lacasse, mais tu venais juste d'être swipé aussi pour la précédente Impro Tinder par l'autre équipe. Oui, oui, pour désactiver l'option tactile sur mon ça, écran. C'était le match, le sketch gagnant de la soirée. Le raconte un petit peu l'histoire en gros. Ah, mon Dieu Seigneur. En fait, c'était un écran de projecteur, en fait. Oui. Puis je voulais désactiver la fonction tactile dessus. la fonction tactile étant « je veux plus qu'on y touche ». Je veux plus qu'on y parce touche. Parce qu'il n'y a pas de fonction tactile, vous comprenez, sur un écran de projecteur. Donc, c'était vraiment rigolo. Il fallait être là, mais c'était vraiment très drôle. C'est ça. Puis Francis était un fabuleux personnage de Radio Shack. Malade. Le défunt Radio Shack. Le défunt Radio Shack. Aux États-Unis, on en a encore des Radio Shack. C'est pas tout fermé, ça? Ah ouais, moi aussi, je pensais que c'était tout fermé. C'est rendu des petits kiosques à l'intérieur d'autres magasins. Genre liquide, la cochonnerie, là, puis le reste. Des cossins, des cossins. Ça doit être ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait hier aussi, à part le Tinder? Une impro de solstice où les gens se sont fait blâmer d'avoir fait une improvisation qui se passait, je crois, l'automne, alors que ça, c'est clairement l'équinoxe. Ouais. C'est ça? Et Maxime Tanguay a même expliqué ce qu'est littéralement un solstice et l'équinoxe. Ah oh, ouais, mais monsieur Tanguay, là, il connaît toutes ses saisons. Là. Ben, c'est une médaille, c'est quoi? Un gars qui est cultivé, parce que bon, vous savez déjà qu'il y a l'impro littéraire en début de deuxième période à la huître, mais là, le match d'hier au complet était basé sur un impro littéraire. C'était le livre cool. Shenley de Alex Dusty. Oui, il y a des bons thèmes gras là-dedans, c'était fascinant. C'est du trash comme Alex Dusty a si bien le faire, et on a même je fait tirer le livre. Mais non, c'est l'ancien de C'est fou, ça. Ah oui? Ouais, c'est ça, c'est ça. Johnny Shotgun? Oui. Ce sera le nouveau surnom de qui déjà? D'Alex Marchand? Ouais, ouais, ouais, à cause de son... De son gros c'était membre. C'était son nom de porn star. En fait, c'était une impro où Alex Marchand était en audition devant des juges dont la dite transmontaine. Exactement. Pour ça, c'était dans la catégorie... on a échangé nos capitaines. Exactement. Donc, la capitaine de l'équipe des Verts jouait avec les Rouges et le capitaine des Rouges, donc Gabriel Béhout, jouait du côté des Verts. Et donc, Alex Marchand faisait une improvisation d'audition. Sauf que là, on se rend compte à travers le sketch quand tout le monde rit que c'était une ancienne vedette de la porn. Exactement, puis il veut se relancer dans le théâtre ou le cinéma. Puis personne ne le prend au sérieux. Non, parce que tout le monde connaît son nom d'acteur porno étant Johnny Shotgun. Exactement. On a eu un exercice de style vers la fin du match aussi. Ça, c'était bon en mots, t'as dit. C'est quoi ça? C'était de la nage. Oui. À la base, là, l'improvisation, un exercice de style, en fait, c'est qu'on fait trois fois la même improvisation. Il y a une improvisation qui est comme neutre, si on veut. Et puis par la suite, on la refait à la manière de, exemple, un opéra. Ouais. La manière de la danse contemporaine. La manière d'un film muet. Ben là, la prémisse, c'était un cours de nage slash yoga slash on sait pas trop quoi. Bonjour, Philippe. Et puis... Salut Louis-Philippe! Bon, faut l'accueillir en nombre maintenant qu'il est de salut. Et puis, en fait, ben, c'est ça, on l'aurait fait, mais Alexandrine Pichessier a brillé dans l'opéra. C'était malade mental. Une vraie chanteuse d'opéra, elle sait faire tout. Je suis vraiment content d'avoir une joueuse comme ça dans mon équipe, parce que moi, l'opéra... Bye Louis-Philippe! Salut Louis-Philippe! À tantôt! Fait que c'est ça. Ouais, c'était très drôle. Le match a fini à égalité, donc c'était rendu, oui. Je crois que c'était 7 à 7. Non, c'était pas 8-8? 8-8. Je pense que c'était 7 à 7, puis ça a fini avec un point 8e point. Pour oui, possiblement. Donc bref, c'était 7 à 7. On est allé en fusillade parce qu'on venait juste de dire qu'on voulait un rappel tellement oui. C'était bon ce match-là. Ouais, c'était pas peu. Et finalement, on est allé en fusillade. Il n'y a pas eu de controverse. Ça a été gagné de manière juste, équitable par un vote du public. Oui. Et finalement, les Rouges l'ont emporté 8 à 7. Ouais. Pas pire, donc, ça. J'étais bien content. C'est ça. Ceci étant dit, les Verts ont joué un très, très, très, très fort match. Oui, absolument. Moi, ça a été un des bons matchs cette saison. Un très bon match. Par contre, les Verts, ouais, c'est ça. Mais les Verts n'ont pas réussi à monter plus haut que la troisième place pour l'anneau complet. Parce que c'est comme on l'a mentionné sur notre Facebook privé, le match d'hier, étant donné sa prolongation, qui a donné un point de plus aux Rouges, ça a fixé les demi-finales. Donc, le 4 avril... devrait être, si tout va bien, la demi-finale entre les Rouges, la deuxième place de la Ligue, et les Verts, en troisième place de la Ligue. Encore? Oui, encore. Et le 11 avril, la demi-finale entre les premiers et les derniers, donc les Bleus en première place, et les Oranges en quatrième place. Oh là là! Ça va pas bien pour l'équipe des Oranges, l'équipe d'Alexandre Larabizouiki. Mais pourtant, ils ont des armes secrètes incroyables. Comme? Nous allons les voir jouer la semaine prochaine. Mais là, Mathieu, c'est plus des armes secrètes si je te dis c'est quoi? Excuse-moi. T'aurais... Faut tout me dire, moi, ça se peut-tu. Les Rouges qui ont joué hier, Alexandrine Pichessier, Alexandre Marchand, Jeff Chapdelaine. Oui. Lui, ça faisait longtemps qu'on l'avait vu. Ça faisait longtemps et je me demande si on va le revoir. Ah oui, il m'a confirmé que oui. Oui. Ah, certainement. Génial. Et toi, Gabriel Béhoud. Oui, bien sûr. Les Verts, Francis Villempron, Magali, Brousseau-Arcan, Samuel Desjardins et Nadia Tranche-Montagne. Impec pour le match d'hier soir à 20h. Si on parcourt subtilement le calendrier... Semaine prochaine, le dernier match de la saison régulière pour tout le monde, là, c'est-à-dire Forever. Les Bleus et les Oranges, l'équipe de M. Rainville et puis l'équipe de M. Larrimé-Zouéki. Ça devrait être un très bon match. Nous allons voir si les Oranges pourront mettre une victoire de plus à leur tableau, là, parce que visiblement, ils en ont peut-être un peu besoin. C'est ça, et ça va être une bonne petite pratique pour eux, les Bleus et les Oranges. Oui, exactement, c'est comme une prémisse. C'est pareil comme la demi-finale du 11 avril. C'est ça, c'est comme un prologue... Un prologue? C'est ça, un prologue? Ouais, prélogue. Ensuite de ça, le 21 mars, oh, là, c'est ça, important. Ça devrait être comique. Attends. Non, avant de passer au 21 mars. Ah non, c'est vrai, il y a la Coupe universitaire d'improvisation qui va se dérouler à Montréal. Oui, exactement. Le 18, 19 et 20 mars. Exact, et tu vas jouer là-dedans. Tu vas être capitaine, même. Oui, exact. Donc ça, c'est vraiment une expérience fabuleuse. Si vous êtes dans le coin de Montréal, cette fin de semaine-là, ça se déroule à l'UQAM. L'Université du Québec à Montréal. Et puis, en fait, ça, c'est une fin de semaine de tournois de toutes les équipes de chaque université se présentent là. Et puis, c'est un gros tournoi d'improvisation. Généralement, c'est des matchs d'environ une heure. Donc, c'est des matchs relativement courts. Si vous pouvez venir encourager la lutte, là, nous serions vraiment contents. De plus, c'est gratuit se présenter là. Puis, vous devriez voir, là... une coupe de bons matchs. D'habitude, là, il y a des très, très bonnes équipes qui vont là. Mais là, c'est pas assez de savoir que t'es le capitaine, Gabriel Béhoud. Ben non. Tu vas amener avec toi Alexandre Larrimé-Zouéki. Oui. Célane Dodier-Comte. Oui. Avec qui j'ai coanimé hier. Marc Lachance. Oui, aussi. Alexandrine Pichessier. Certainement. Francis Grillampron. Affirmatif. Et en plus, un coach. Oui, nous avons un coach cette année, le genre de Pat Burns de l'improvisation. C'est Rémi Francoeur. Hey, une vedette, toi. Oui. Donc, ouais, Rémi est là pour nous coacher puis nous aider à ramener éventuellement la coupe, mais surtout s'amuser. Ben voilà. Donc, tu l'as dit, c'est les 18, 19 et 20 mars. Oui. À l'UQAM et sur Facebook, chercher Coupe d'improvisation, Coupe universitaire d'improvisation 2016. Oui, exactement. Et puis, en plus, en revenant de cette fin de semaine-là, Mathieu, tu sais pas qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, donc? C'est de la poudre d'huître. Ça, c'est comme si Poudlard faisait de l'impro. C'est-à-dire que tu prends tous les livres de J.K. Rowling, t'enlèves tout ce qui est pas bon, genre la magie, Harry Potter, toutes ces affaires-là. Tu gardes juste, mettons, les quatre familles, là, les Slytherin, les Gryffindor, les deux autres que tout le monde s'en fout. Pouf-souffle. On fout pouf. C'est vraiment bien. Les Ravenclaw. Oui. Là, tu gardes tous eux autres, là. Juste ça. Ouais. Puis là, tu fais de l'improvisation. Mais là, qu'est-ce qu'il va y avoir comme style Harry Potter thème, là? Qu'est-ce qui va se passer de Harry Potter là-dedans? J'espère que c'est pas juste ça, là. Ils nous ont mis la barre haute avec la Poké-Luitre, avec toutes les références de Pokémon. Puis tu vas arriver avec Poudluit, puis juste avoir les quatre familles. Moi, je t'avouerais que... Genre la coupe de feu, c'est clair que ça va être là. Probablement. Mais moi, j'ai jamais été un grand fan d'Harry Potter, fait que je peux pas nécessairement t'aider. Moi, parce que je trouve que j'ai... Il y a deux visions de la magie fantaisique dans le roman fantastique. Je préfère la vision développée par M. J.R.R. Tolkien. Des Seigneurs des Anneaux. Exactement. Voilà. Puis je trouve que c'est irréconciliable comme univers avec celle d'Harry Potter. Tu peux pas aimer les deux. Ben, en tout cas, pas moi. Pas aussi fort. Non, moi, Harry Potter, j'ai vu le premier film, c'est à peu près ça. Ouais. Mais là, Poké-Luitre, il y avait des entraîneurs de Pokémon qui capturaient des joueurs sur Facebook. Eh oui, tout ça. J'ai hâte de voir comment on va trouver des joueurs pour la Poudluitre. Oh, qui va se proposer, qui va jouer. On va probablement avoir le Choixpeau, j'imagine. Oh, le Choixpeau! Oh, le Choixpeau! On va savoir ça bientôt. Donc, ça se passe le 21 mars. Oui. À la Chasse-Galerie, c'est l'endroit traditionnel. C'est un match spécial. Soyez-y. Avant ça, on a sauté par-dessus tantôt, mais on cherche encore des gens pour jouer à l'iPod Battle. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est la semaine prochaine. C'est lundi prochain, 14 mars. Ils s'en posent en main, les affaires, dans cette ligue-là, Mathieu. C'est une grosse ligue, là, pour vrai. Merci, Louis-Philippe Quentin. Merci, Louis-Philippe, pour ces petits morceaux de papier. Donc, 14 mars, iPod Battle. C'est un match d'improvisation musicale. Oui. Donc, les gens peuvent proposer leur propre musique. Mais en tout cas, par les années passées, ça a remporté un succès franc. Ouais. Nous verrons si cette année, les participants seront à la hauteur. Mais en fait, on débarque avec son iPod. iPad ou autre lecteur de musique. Non, c'est iPod Battle. C'est pas, MP3 Battle, Mathieu. Si c'est pas un iPod classique ou touch... Bye, Louis-Philippe. Surtout pas d'iPod mini, là, parce que ça, faut être un petit peu retardé. C'est ça. Ben, si vous avez tout ça... public encore. C'est ça. Puis là, ben, vous présentez, vous balancez la sauce pendant une minute, et là, le public décide, est-ce que cette chanson passe ou casse? J'espère que c'est pour ça qu'elle aime cette soirée-là. Oui? Ah. Oui, c'est moi. Qui gagne? Moi, c'est pas compliqué, je me suis préparé deux répliques pour la soirée. Ça devrait être des répliques assez fameuses, merci. Ah ouais, hein? Et puis, ça devrait être pas pire. Hein? Génial. 14 mars. Ouais. iPod Battle. Y'a-tu un avant-goût? Qu'est-ce que... Oui. Balancer la sauce. Ouh. Je vais dire ça à toute fois que quelqu'un met une chanson. OK. Je prends pas de chance, je vous vois, fait comme ça. Uh-huh. Ça peut être goofy. Bon, on pourrait se faire un petit genre de mini iPod Battle. Mettons, là. Mettons, Gab, quelle chanson est-ce que tu mettrais pour gagner un iPod Battle? Oh my god. Quelle chanson que je mettrais pour gagner un iPod Battle? I like big butts and I cannot lie. C'est la tienne, ça? Moi, je pense ça que pourrait ça. Être, ça pourrait être ça. OK, ben, on va essayer voir si ça marche, OK? C'est le public qui décide, là. C'est le public qui décide. Moi, j'ai trouvé la mienne. C'est le seul bout que je connais. Ah ouais, OK. Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends who understands those rap guys. I'm gonna pull up top because you notice that butt was stuffed. J'entends les personnes danser et claquer les doigts dans... À date, ça vole haut, là. Ah oui, Gab, faut que tu battes ça. OK, moi, j'irai avec Bomb Track. Moi, c'est pas peut-être le même style. Comment? Bomb Track. C'est, Bomb tout Track? Ouais, tout d'un mot. En un mot, là? Ouais, c'est Bomb Track. The Rage Against the Machine? Ouais, moi, ça bûche un peu plus. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça. Pas de battle, non? Tu bats ça, Tania, tu bats ça. Faut pas que tu sois dans le trafic, là, quand même. Non. Boom de P.O.D. Oh, yes. Comment? Boom de P.O.D. P.O.D. OK, on va essayer ça. Boom P.O.D. J'avais Youth of a Nation aussi, ouais, qui est quand même pas pire. Hein. D'accord. Peux-tu battre ça? Si je peux battre ça. Ah oui que je peux battre ça. J'irai avec la chanson thème de Pokémon. Ah, ah! Un classique! Hein? Un classique! Boum! Oh, boum! Chacalaca! Attention! Hop! Mathieu Plante, qu'est-ce que tu mettrais, toi, pour gagner un iPod Nano? Ben là, ah ouais? Hey, moi, je suis le maître de jeu, là. Ok. Je ne joue pas. Un dernier round? Dernier round. Tania. Hey, attends, là, c'est tough, là. Avec la trame sonore des Power Ninja. Power quoi? Ranger? C'est pas les Power Ranger? Power Ranger. Ah, peut-être que c'est ça. Ça, je connaissais la chanson quand j'étais dessus. Ça sent une grosse speed. À un moment donné, ça se met embarqué, genre speed metal un peu, ça rock. Hey, 4 minutes de ça! Oh! Featuring Louis-Philippe Quentin! Bonne l'avance! Louis-Philippe! Beau, la petite automobile! Mon Dieu! Boum, boum! Ça, tu gagnes pas avec ça, là! Ben oui, clairement! Ils viennent de tout nous clasher! Ok, ah ouais, j'avoue, dans ça, il aurait peut-être raison là-dessus. Ah ouais! C'est comme de la blanche dans ma tête. Hey, moi, j'ai jamais écouté ça. Ben voyons donc. C'est quoi ton problème? T'as été mal élevé. Regarde bien ça. La toune avec laquelle tu remportes toutes les finales. Bob Épine. Oh, Bob Épine de... C'est qui? Il a plume la traverse? Oui, monsieur. Ah, OK. On va pas Éric Lapointe. Non, non, je sais bien. Attends un peu. Attends, hein. Une usine, sa mère accouche dans la cuisine. Qui ça? Bob Épine. Bob Épine. Ça, c'est à peu près à ça que ça ressemble à l'iPod Battle. C'était le fun, là. Pendant une minute. Ouais, on a eu du plaisir pendant trois minutes. C'était malade. Moi, j'aurais pris de Louis-Philippe Quentin pendant trois minutes. Ouais. C'est vrai. Ben, on va l'avoir. Dans le fond, bombo, trois minutes. 14 mars, donc, l'iPod Battle après le match du 14 mars. Ouais. 21 mars. Entre les deux. 19-20, ouais. À Montréal, à l'UQAM. 21 mars. Ouais. Là, on parle de la peau de l'huître. Peau de l'huître. Et après ça, ça va être les demi-finales. Il y a une semaine de relâche le 28 mars. Après ça, c'est demi-finale 1, demi-finale 2 et la finale. La saison, la fin de la saison est tellement juteuse. Il y a une semaine de relâche de la l'huître, là. Oui. Ah, mon Dieu. Non, c'est j'aurais ça. J'aurais aimé ça une autre semaine de relâche. C'est Parker. Pour absolument rien faire. C'est Parkwiss. Ah oui, c'est Parkers. Parkwiss. Parkers. Parkers. Nous allons célébrer la résurrection du Christ. Oh, voilà. Merci, Gabriel Béhoud. Salut, Mathieu Plante. À la semaine prochaine. Oui. Mardi. À 8h30. Oui. Bye. Danse le rock, chrome et full pin, comme une vraie super Bob Épine. Qui ça? sondage de qui. Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki. Toujours à Sondage Requis, en ce mardi 8 mars 2016, c'est Nathalie Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, Louis-Philippe, qui était en train de nous parler, de nous dire des affaires. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah non, ce que je te demandais, c'est qui avait fait la version de Assemblage Requis qu'on vient d'entendre. Mais quelle excellente question, c'est les résidus plasmiques qui s'est occupé de la chanson thème d'aujourd'hui. C'est un groupe d'où, ça? C'est une personne, en fait, de la Mauricie. Ah. Je pourrais pas dire de quelle ville exactement, mais il fait ça dans son sous-sol, puis il est bien drôle, puis il est bien bon. Ah. Les résidus plasmiques. Maintenant, tiens, cet homme qui veut tout le temps être informé, veut tout le temps se connaître les faits, parce que c'est un journaliste dans l'âme, c'est Louis-Philippe Quentin, et voici la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Louis-Philippe Quentin est rédacteur en chef du journal Zone Campus. Bonjour à toi. Salut! On va parler du journal qui sort aujourd'hui, en fait, un petit peu plus tard cet avant-midi. C'est le numéro 13. Ça veut dire qu'il en reste seulement 3 avant la fin de la session. Seulement 3. Ça veut dire que tout le monde va tomber dans le rush bientôt. Dans leurs travaux. Donc, 8 au 21 mars avec en couverture le hockey, mais on y reviendra une fois rendu en sport. Commençons par les actualités avec l'AGE UQTR et le lancement imminent de la campagne électorale. Voilà, donc, comme vous l'avez probablement remarqué, dans les couloirs de l'université, il y a des pancartes recherchées. Oui. C'est en rapport aux postes qui doivent être comblés, ou du moins les... En fait, tous les postes sont ouverts. C'est ça, exactement. Puisque démocratiquement, le choix doit être fait. Les postes de président, de secrétaire général, les 7 vice-présidents, c'est-à-dire à l'environnement, aux finances et développement, aux affaires sociopolitiques, aux affaires académiques de premier cycle, aux affaires académiques de cycle supérieur, aux affaires socioculturelles et aux communications. Voilà les postes qui doivent être comblés cette année, comme toutes les années, en fait, à l'AGE. Le procédé, ça se déroule, en fait, dans le fond, on va annoncer les candidats qui se présentent le 14 mars. Le 21 mars, à la Chasse-Galerie, il va y avoir un débat officiel. Et ensuite de ça, le 24 mars, les votes seront clôturés et plus tard, on annoncera évidemment les élus. Voilà, tout à fait. Tu l'as dit, un débat officiel, c'est comparé à tous les autres petits débats non officiels qui vont être organisés dans des salons, j'imagine. Pourquoi est-ce qu'on doit préciser que c'est un débat officiel? Je trouve ça drôle. Il est écrit officiel. C'est ça. Ensuite, on va évidemment vous tenir au courant pendant la période électorale par rapport au vote et comment le faire dans les prochaines semaines. Mot de la rédaction, c'est toi qui l'as écrit cette fois-ci. Vous basculez, toi et Alexandra Lemire, donc l'émerveillement sur le divan. Voilà, donc on sort de la relâche. Oui. Pour nous, ici, autour de la console ce matin, on n'a pas vraiment ça, une relâche, mais... Non. Reste néanmoins que c'est le cas de la majorité des étudiants. Et souvent, par une relâche d'hiver de ce genre-là, si on n'est pas du genre à aller faire du ski ou de la raquette ou d'autres activités extérieures, en fait, on reste souvent écrasé chez soi, ce qui n'est pas péjoratif. Souvent, on a besoin de ce repos-là. Cependant, ce que je vous propose à mon moment de la rédaction, c'est deux longs métrages intéressants qui nous permettent à la fois d'être écrasé sur son divan et de malgré tout alimenter son cerveau de quelque chose. D'où le titre, l'émerveillement sur le divan. Donc je vous suggère Dark Crystal de Jim Henson, qui est un film de 1982. Le même que les Muppets. Oui, exactement. Wow. C'est le même gars que les Muppets. C'est un film à caractère fantastique qui se déroule dans un monde qui n'existe pas. Mais ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est que tous les décors et tous les personnages sont faits à partir de marionnettes. Mm-hmm. Donc, un peu comme les Muppets, voilà. Mais l'esthétique du film est sincèrement très intéressante. Puis je pense que ce qui est le fun à ce point-ci, en 2016, ce qui est le fun, c'est de s'intéresser à des films de ce genre-là qui dans le fond, ne sont pas faits à partir d'écrans verts puis d'animation. D'ordinateur. Et... C'est ça. Donc, ça peut être très intéressant, rafraîchissant, en fait, de reculer dans le temps. Absolument. Puis l'autre film que je vous suggère, Le Conte de la princesse Kaguya, dernier film du studio Ghibli. Studio Ghibli qui nous avait donné Princesse Mononoke, si vous connaissez. Film très intéressant. Donc, à la progression très lente qui raconte l'histoire d'un coupeur de bambou au Japon qui trouve une petite fille dans une pose de bambou puis qui décide de l'élever au rang de princesse. Puis là, ça nous, y a une belle morale autour de ça et tout et tout. Vous lirez Le Monde de la rédaction si vous voulez en savoir plus. Intéressant. Ensuite, internat en psychologie et doctorant stagiaire se joignent au boycottage. Pour boycottage. Voilà. Je sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler ici, cher co-animateur, mais les doctorants stagiaires, effectivement, se joignent au boycottage, en fait, du doctorat en psycho, et plus particulièrement des internats. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que lorsque quelqu'un fait un doctorat en psychologie, il n'est pas rémunéré lorsque vient le temps de faire un internat. Ce qui est plutôt étonnant parce qu'au reste du Canada, dans le reste du Canada, sachez que c'est le cas. Okay. Ils sont rémunérés et pas peu, en fait 31 000 $. Donc. Ici, c'est 0 $. Ben non, ben en fait, c'est moins qu'elle, étant donné qu'on paye en plus des frais de scolarité. Assez faramineux. Donc, c'est 250 personnes, par exemple, ici, qui sont pas bien contentes de ça. Donc, ils veulent fomenter. Il se lève une sorte de mutinerie, voilà. Voilà. Ensuite, projet d'intervention communautaire, l'EPICOM, l'université en collaboration avec les milieux communautaires. Voilà, rapidement, il faut mentionner que ça fait 10 ans maintenant que l'EPICOM existe. Je sais pas si vous connaissez un peu le concept peu, mais de la chose. Ça, non. Pas tellement. En fait, c'est donc ça s'appelle projet d'intervention communautaire ici. C'est toujours un projet qui est en lien. Dans le fond, ça, vous êtes crédité comme si c'était un cours. Mais ça vous permet un peu... C'est un peu une sorte de stage. On va... vous allez faire un projet en lien avec votre programme, mais aussi en lien avec un organisme qui est extérieur à l'université. Par exemple, moi, j'ai fait un PICOM lorsque j'étais au bac. J'ai fait un PICOM avec la Société des écrivains de la Mauricie. Mm-hmm. Puis eux avaient besoin un peu de redorer leur image. Donc, on avait... On avait refait le site internet, on avait vraiment fait un travail d'archivage, on avait interviewé plein de poètes, d'auteurs, puis on avait fait un travail d'archivage, puis d'histoire, dans le fond, on avait monté un document historique, etc. Donc ça lui permettait un peu de faire d'avoir un recul sur leurs maintes années d'existence. Donc c'est ce genre d'affaires-là, les PICOM, qui permettent de faire. Puis ce qui est le fun, évidemment, c'est que ça se met sur le CV. Ouais. Donc pour les étudiants, souvent, c'est quelque chose... C'est quelque chose qu'on aime se faire dire, que ça va aller sur son CV. Ouais. Voilà. En effet. Ensuite, les étudiants en criminalistique ouvrent leurs locaux d'expérience scientifique pour les parents. Voilà, très intéressant. Cette activité organisée par les étudiants en criminalistique, et rappelons-le, n'est pas un programme si vieux que ça à l'UQTR. Donc, ça s'était déjà fait l'été dernier. Ils avaient accueilli des jeunes entre 11 et 16 ans pour, dans le fond, un peu faire la vraie activité qui est présentée dans CSI. Oui, exactement. Il n'y a pas les espèces de twist avec des machines qui n'existent pas. Il n'y a pas ça. Mais donc, le 7, 9, et 14 et 16 mars prochain, ça va se reproduire, mais cette fois-ci pour des gens plus vieux. Parce que ce qui est arrivé l'été dernier, quand les enfants faisaient l'activité, c'est que les parents ont montré l'intérêt à l'essayer aussi. Ça a l'air tellement cool. Pour ben, c'est ça. Dans le fond, c'est sûr que ça doit être intéressant. Donc, cette fois-ci... les groupes sont même déjà complets. Ah, wow! Ouais, ça, c'est des groupes de, je crois, de, si je me trompe pas, donne-moi le temps de trouver, 12 personnes. Okay. 5 groupes de 12 personnes. Donc ça, déjà rempli au complet. Ouais, ça a quand même booké dans un claquement de doigts. Mais c'est merveilleux. J'imagine que c'est une activité qui va avoir lieu à nouveau si ça a autant de popularité. Puis cet été, probablement qu'il va y avoir d'un canjo, quelque chose de genre là aussi. Fascinant ça. Dans la recherche à l'UQTR, maintenant, comprendre la résistance des plantes pour une meilleure agriculture. Voilà, donc ce n'est pas que les humains qui ont un système immunitaire, Mathieu. Il y a également les plantes, c'est donc... Je suis justement un plante. Voilà. C'est vrai? Les deux. Ouais, toi, t'as un système immunitaire à la fois végétal. Ouais, je suis très végétatif. Ouais, c'est en ça. En ce moment, j'ai comme un énorme mal de tête, fait que encore plus végétatif que d'habitude. Complètement végétatif. Ouais. Il est vert, Mathieu, ce matin, en train de s'enraciner dans les studios de C'est Fou. Belle place. Donc, Bulbulamide. On dirait, tu sais, dans les Super Nanas. Tu sais, les Super Nanas? Oui. Les Powerpuff Girls. Ouais. Le gars, il s'appelle Bulbul. Ah, c'est vrai? C'est comme Bubble. C'est pas la fille qui s'appelle Bulbul? Je pense que oui. C'est la petite blonde. C'est ça. Mes références aux Super Nanas sont peut-être un petit peu éloignées. Ouais, c'est vrai. J'ai des références soit de très très jeunes adolescents ou de filles. Mais donc, pour revenir à Bulbul. Monsieur Ahmed, au doctorat en biotechnologie végétale. En fait, non, il a obtenu sa maîtrise en ça et il poursuit au doctorat. Il nous vient du Bangladesh et il a également étudié en Finlande. Les pantalons donc, aussi viennent du Bangladesh. Ah, c'est vrai. Je sais pas, par contre, s'ils ont été fabriqués par moi, c'est ça. Il se demande, en fait, M. Ahmed, comment est-ce qu'on peut renforcer le système immunitaire de la plante, au même titre qu'on le fait, nous, avec, par exemple, des médicaments, ce qui permettrait aux plantations, par exemple, au Québec, de toffer plus longtemps, d'être immunisé face à certaines maladies, et donc de favoriser une agriculture viable et dénuée d'OGM. Wow, très bien. Ensuite, nouveau programme à l'UQTR, le diplôme d'études supérieures spécialisé en thérapie du sport. Ben voilà, c'est quelque chose, on sait que l'université veut miser sur ce genre de programme-là. Donc, en ce moment, c'est ce qu'ils veulent faire avec ce diplôme de deuxième cycle qui sera contingenté et qui accueillera donc seulement 16 étudiants dès l'automne prochain. Cependant, la seule chose, c'est qu'on doit vérifier si le nombre de stages disponibles dans le domaine en Mauricie est assez... Permettre 16 personnes. Exactement, peut permettre à 16 personnes d'avoir des stages, parce que sinon, c'est malheureusement pas quelque chose qui va avoir lieu. Voilà. Maintenant, on a trois chroniques en actualité. On commence par l'éditorial de Lucas Hubert. Certains sont plus égaux que d'autres, dit-il. Le titre est sur le traitement différentiel. Voilà, donc si vous vous souvenez bien, dans le dernier numéro, Lucas nous avait fait un pastiche de la cigale et la fourmi, à savoir un peu humoristique. Ouais. Il reprend dans le pastiche pour ce numéro-ci, mais cette fois, dans le fond, il poursuit dans la même veine que George Orwell, qui avait écrit La ferme des animaux. Oui. Je sais pas si ça vous dit c'est quelque bon, chose. Ça, oui. Mm-hmm. Donc oui, George Orwell qui a également écrit 1984. La ferme des animaux, qui est un livre en fait qui parle un peu de la montée du communisme, mais sur une ferme. Ouais. Donc, c'est avec les personnages principaux, les cochons, le cheval, les chiens. Fait intéressant d'ailleurs que j'aime bien sortir à chaque fois que je parle de La ferme des animaux. Si vous connaissez l'album Animals de Pink Floyd, sachez que les paroles de cet album sont en fait également un espèce d'hommage, un espèce de réinterprétation de La ferme des animaux de George Orwell. Oh. Voilà. Pink Floyd qui recevait d'ailleurs comme membre autrefois Roger Waters qui était de passage, tout le monde en parle. Que de liens. Voilà, j'aime ça faire des liens. Ensuite de ça, toujours en chronique, on a l'envers d'air. C'est la chronique d'Anthony Potier-Champagne. Si les changements climatiques ne vous font ni chaud ni froid. Ouais, donc en fait, Anthony poursuit un peu dans la même veine que sa dernière chronique. Il nous parle des répercussions qu'auraient les changements climatiques. Donc, on avait déjà parlé de la hausse du niveau des mers. Cette fois, il s'attarde aussi aux extinctions d'espèces animales. Il nous explique un peu comment que ça fonctionne lorsqu'une espèce animale s'éteint. Qu'est-ce que ça occasionne comme débalancement. Ouais. L'exemple qu'il utilise dans son texte, très intéressant, c'est que, par exemple, les ours polaires, qui commencent, on s'entend, à rocher dans le Grand Nord. C'est un terme que les scientifiques utilisent tout le temps, là. Ça roche. Ça roche vraiment, les ours polaires. Donc, ces ours polaires-là, ce sont les prédateurs principaux du phoque. Mais s'il n'y a plus d'ours polaires, il y a plus de phoques. Donc, plus de prédateurs contre la morue. Donc, moins de morues. C'est une espèce de réaction en chaîne vraiment intense. Donc, c'est une des choses que peut occasionner les changements climatiques. Également, plus il fait chaud, plus il y a d'insectes porteurs de maladies qui peuvent se répandre. Donc, ça veut dire que, par exemple, la malaria pourrait éventuellement se rendre jusqu'au Québec. Hmm. Ce qui c'est un peu cocasse de s'imaginer ça maintenant, mais voyons dans 50 ans. Ah, et finalement, en chronique, on a la petite vite, c'est la chronique sexualité, et là on parle vraiment de choses assez dégoûtantes, coprophilie et autres amours de paraphilie dégoûtante. Ben oui, les paraphilies, donc, qui sont, définition rapide, des déviances sexuelles fort étranges. Ouais, vraiment. Mm-hmm. On veut pas juger personne. Mais non! Mais ici, Anthony s'attarde sur la coprophilie, qui est l'amour des excréments. Ouais! Ah. Voilà. Également, Tania nous regarde drôle, mais il y a aussi celle du vomi et de l'urine. Ben oui, l'hémétophilie, Tania. L'excitation par le vomi. Ah, ben oui, hey, ça excite tout le monde, vos mains. Hein? Voilà, quelque chose de super le fun, semble-t-il. Également. Si tu trouves quelqu'un qui est capable d'embarquer dans ton fantasme aussi, là, de te vomir dans la face, mettons. Là. Ben, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, Mathieu. Maintenant qu'il y a Internet, c'est plus facile à trouver, j'imagine. Mais attends, quand même... parce que ces gens-là le demandent, s'il te plaît, vomis-moi dans la face. Ah ouais, ah ouais. Ouais, pis vraiment qu'il y a des gens qui aiment ça, se le faire, demander. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est fou de même. Il y a si on faire parle... cracher dans la face que j'ai déjà eu aussi. Ah que ouais? T'as déjà eu? Ouais. C'est spécial. Propre. Wow. Ouais. Ben, crache-moi dans la face. Sachez que dans le fond, lorsqu'on pense à une déviance aussi étrange puisse-t-elle être à 7 milliards sur la planète, il y en a d'autres. Doutez-vous que si vous y pensez, c'est que quelqu'un l'a déjà fait. Vous n'êtes pas tout seul. Fort étrange. You. Et pour terminer, sur une note un petit peu plus goûteuse, c'est la première bière qui est un partenariat entre, entre le temps d'une pinte et Boréalis. Ça s'appelle Premier Shift. Ouais, Premier Shift, en fait, c'est une tournée touristique qu'avait organisée Boréalis qui s'appelait comme ça, qui a inspiré Alex Dorval, copropriétaire et cofondateur du temps d'une pinte, pour une bière du même nom. Finalement, on a fait un partenariat entre les deux. Si vous allez à Boréalis, vous obtenez... un rabais de 15% au temps d'une pinte. Oh wow. Et vice-versa, c'est un partenariat qui risque de se poursuivre d'autres manières, peut-être une histoire de la bière ou quelque chose comme ça. Ce serait intéressant de goûter la bière qui se buvait dans les années 1800. La même recette, genre, qu'on aurait retrouvée dans le fond d'un baril. Ben oui, ça serait bien trop le fun. C'est malade, pour vrai. Je suggère ça comme ça, si M. Dorval écoute en ce moment. Là, très bonne idée. J'aimerais ça goûter une bière vieille. Je sais pas si du coup, t'as ça là, peut-être qu'il dort, Val. Après les actualités, c'est la société, c'est Tania Baudin qui s'en occupe. Mais oui, c'est Kevin Gaudreau qui nous revient en société entre les deux pôles avec la peur des hauteurs, chien, aiguille et ascenseur. Voilà, Kevin qui nous revient avec une chronique en lien avec les phobies. Donc, on avait les philies dans une page, les phobies ici. Est-ce qu'avec coprophilie, tu pourrais avoir coprophobie aussi? Ben, ouh, sûrement. Écoute, Kevin nous en parle pas, mais je suis à peu près persuadé que ça existe. Sûrement. Mais moi, quand j'étais plus jeune, je gardais un petit garçon qui, du moment qu'il voyait ce qu'il avait fait dans la toilette, vomissait. Non. Oh mon Dieu. Pauvre. Ouais. Pas le fun. Hey, ça fait du déchet humain. Oui, c'est terrible. Ouais, tu portes vraiment. Un bandeau sur les yeux pour pas voir ce que t'as fait. Bon, le salut. Oui, ouais, c'est ça. Kevin, lui, nous parle plutôt de phobie. En fait, ce qui est intéressant dans son texte, c'est des phobies liées à des choses qu'on ne voit pas. Ah. Par exemple, avoir peur des tarentules, sans pourtant... On n'a jamais vu de notre vie. Il y en a, je n'ai vu à l'insectarium, par exemple. Oui. Mais tu sais, personnellement, je l'ai déjà dit en onde, je me lance encore une fois, je suis arachnophobe. Ouais. Les serpents, peut-être. Non, moi. C'est vrai? Ah, je trouve ça tellement joli. Oh non. Vous voyez comment c'est irrationnel? Ouais. Moi, c'est les araignées, Tania, c'est les serpents. Aucun contrôle. Mais pourtant, j'aurais peur d'une tarentule, j'en suis persuadé. Je suis sûr que je filerais pas bien si je voyais ça. Ouais. Mais reste que, il n'y en a pas de tarentules au Québec. C'est pas quelque chose que je vais croiser quand je vais me promener au parc national. Là. Ouais. Alors qu'il y a du caca, il y en a. Il y en a partout. Ouais, ça, il y en a partout, mettons. Effectivement. Mais donc, c'est ça le point de Kevin. Les phobies qui sont irrationnelles et liées à des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, quelqu'un peut avoir peur de l'eau lorsqu'il vit dans une place où il n'y a aucun cours d'eau. Ouais. Tu sais, ce genre de choses-là, il existe par exemple la peur des ponts couverts. C'est une peur qui existe. Eh ben. Ouais, pas les ponts couverts. Les ponts couverts. Très précisément. Les viaducs, moi, ça. T'aimes pas ça? Rester pris en dessous d'un viaduc, là? Ça, je pense que c'est propre aux Québécois. Oh, c'est terrible. Après ça, t'avais-tu peur des viaducs avant qu'ils se mettent à tomber ou. Ouais, ben, tu sais, comme. Tu sais qu'il y a du monde qui passe au-dessus de toi, puis t'es comme pris en dessous, là. Faut que t'attendes. Ouais. Ce qui arrive fréquemment lorsque tu es à Montréal ou ici, à Trois-Rivières, proche des autoroutes. Ouais. Là, tout ce que tu fais, c'est te concentrer sur toutes les petites crevasses. Ah, t'attends juste qu'elle tombe verte, là, puis te clencher. Tu parles de ton visage qui tombe vert, c'est ouais, ça? C'est ça. Bon, ben c'est ça, c'est la chronique des phobies de Kevin. Il y a Christina Monfette-Fortin qui revient, évidemment, avec l'art de monter une mayonnaise et autres propos comestibles. Cette fois-ci, savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? Ouais, exactement. Elle nous parle pas de choux, cependant. Ah. Le titre est bien drôle, mais elle nous parle plutôt de patates, Christina. Qui est en fait une racine très consommée au Québec depuis le temps de la colonisation. Mm-hmm. C'est quelque chose qui, historiquement, nous a un peu sauvé la vie. Si vous voulez, mon avis très également. Très résistif. Ouais. Celui Également celui des historiens qui en fait croient que là, effectivement la patate a permis de passer bien des hivers pour les colons. Ils vont aussi nous parler d'ouvrages sur elle, mais aussi en viennent parler de la sensibilisation au jardinage. Donc comment c'est important aujourd'hui de produire un petit peu ses propres légumes, faire ce genre de retour aux sources. Donc chronique très intéressante de la part de Christina. Et en page 10, bien évidemment, c'est la page des loisirs avec Alexandre Laramé-Zwicky qui nous revient avec sa petite caricature. Sur la semaine du cerveau en tête. Oui! Alors, on a un spectacle maintenant, c'était le lancement du premier maxi du groupe Paupières au Café Frida récemment, saveur synth-pop, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai appris Mathieu que c'est un maxi. Un maxi en toi. Français, oui. D'aujourd'hui EP, mais c'est vrai, c'est Extended Play. Oui. EP, donc c'est en anglais. Et puis un single, c'est un simple. On est au Québec, qu'on dit? On utilise les termes en français quand on peut. Hein? Voilà. Non, mais tu dis souvent ça, toi? À la radio, j'essaie de faire attention. Allons écouter notre simple. Oui. Ben ouais. Oui. Mais là, c'est le terme. Non, c'est le terme. Mais moi, j'adorerais un jour sortir un disque pour dire que je... Finalement, on t'as sort fait un notre... simple? Non, qu'on sort notre premier long jeu. Long jeu, ben oui. Ça, j'adore ça, cette expression-là. J'aimerais tellement pouvoir que ce soit plus utilisé. Ouais. Parce qu'en en anglais, on utilise encore le terme LP, long play. Mais Louis-Philippe Quentin. Ouais, ou Louis-Philippe. Mais on dit plus long jeu. Non. Mais c'est non, déplorant. C'est tout ça pour dire que je suis loin d'être un nazi de la langue française, de très très loin de ça. Sauf que, quand même, je dirais pas un email en nom de me dire un courriel. Je sais pas ce que c'est, je fais attention un peu. Le courriel est un beau mot, plus beau que email, de toute façon. Ouais, ben moi j'aime dire un email, de toute façon. Ah. Tu sais? Ben oui. Parce mais tu rajoutes, si tu dis ça, tu rajoutes-tu une lettre? Non, un email. Ouais. J'aime ça dire ça. Je vais dire ça à cette heure. Ou courriel, moi, tu... J'aime bien dire clavarder aussi. Je trouve que c'est un meilleur mot que chatter. Ben oui. Ben c'est pas... Ouais. Je suis pas sûr que c'est un meilleur mot, mais tu sais, quand le mot existe, on... T'sais, fais attention. Moi, un meilleur, là, qui suis-je pour juger? Exactement. Et on n'est pas tous... voilà. Anonymous, brûler les planches du Tipetac en formule trip pour une soirée thrash metal. J'ai aussi appris cette semaine que c'était thrash et non pas thrash. Ben oui, on apprend plein de mots. C'est pour ceux qui ne savaient pas, ouais. Qui nous écoutent en ce moment... le trash metal s'écrit en fait thrash. Et c'est metal. Pas le mot déchet en anglais. Donc. Ouais. Donc, moi je trouvais que c'était plutôt logique un peu avec l'attitude, la philosophie du style musical, mais semble-t-il qu'il l'écrivait malgré tout différemment. On était curieux de savoir pourquoi ça s'appelait THRASH, mais la page Wikipédia était trop longue pour nous occuper. Ah, ouais, c'est ça. Ça serait pour une autre c'est fois. Jamais le temps, le lundi soir, juste avant la sortie du journal, d'aller chercher un peu sur l'histoire de la musique métal. D'être trop curieux. Mais détrompez-vous, cependant, c'est quelque chose qu'on va faire. Ah oui, hein. Voilà. C'est la fin de la journée. Donc, autre chose à dire sur Anonymous? Ben, qui était de passage au Tipetac, qui commence d'ailleurs à, semble-t-il, se monter une scène un petit peu métal. Ouais. Ce qui est le fun, parce que c'est pas quelque chose qu'il y a de manière régulière à Trois-Rivières. Ouais. On a le Café Rock, le stage au Cap, mais au Tipetac, on parle d'une salle de spectacle peut-être un petit peu mieux équipée pour à recevoir des groupes de pointures un peu plus importants. Également, qui s'en vient, il y a Philippe Seyss, guitariste ontarien, qui commence à faire jaser de lui pas mal. Si vous aimez Jimi Hendrix, il y a un peu le même genre d'attitude, mais il joue plus vite. Ah ouais. Plus vite, plus vite encore. Parce que c'est ça dans le monde de la guitare, toujours plus vite. Voilà. Donc, la salle Tipetac. Si vous aimez un petit peu la musique alternative, la musique qu'on joue assez fou, puis que vous connaissez pas encore la salle Tipetac, c'est parce que vous êtes pas encore super à jour. Hein? Il est temps. C'est ça, mettez-vous sur le rail un peu. Un nouveau croissant, un renouvellement croissant, un nouveau croissant. Je pense que j'ai faim. Un renouvellement croissant au Théâtre Mauricien, le Théâtre des Nouveaux Compagnons nous présente ses nouvelles recrues. Ben oui, parce que le Théâtre des Nouveaux Compagnons, c'est une institution en Mauricien. En fait, ça existe depuis... Attachez vos sucres. Vous en portez pas. Moi, j'en porte. Oui, tu portes une sucre, en effet, j'allais dire... Il y a cependant aucune attache. C'est parce que t'es sur le bord de la fenêtre, t'as froid? Non, c'est parce que mes cheveux sont sales, Mathieu. Ah, ben pourtant, ils sont très longs, donc on voit le reste de leur salitude. Ah non, mais plutôt, ben, ils sont sales surtout à la racine, je te dirais. Okay. On est loin de parler du théâtre des Nouveaux Compagnons en ce moment, très mais... loin, oui. Ben, c'est drôle parce que la personne sur la photo a un sac brun sur la tête, ce que t'aurais pu faire aussi. J'aurais pu faire ça. Pourquoi est-ce qu'elle a un sac brun sur la tête? Ben pourquoi elle a un sac brun sur la tête, c'est tout simplement parce qu'elle présentait un des différents tableaux des pièces présentées au Théâtre des Nouveaux Compagnons pour montrer les nouvelles recrues qui s'inscrivent dans une, ce que je disais donc, cette institution qui a maintenant 100 ans. 100 ans? 100 ans, oui, parce c'est que, moins nouveau qu'avant, tu sais. Parce que sachez que le théâtre, c'est vieux. Oui, ça fait un bout que les gens font ça du théâtre, en général. Plus que 100 ans. Mais il n'y a pas pensé à s'appeler juste le théâtre des compagnons avec le temps? Ben, c'est qu'à chaque année, il y a des nouveaux compagnons. Ah, c'est pour ça. C'est également ce que... C'est à ça que sort les soirées découvertes. On découvre une nouvelle recrue, mais également, on tente d'aller en chercher une nouvelle. Parce que c'est important, la nouvelle. C'est très beau. Le théâtre de nous et de vous. De nous et de vos compagnons. Comment qu'on appelle ça, changer de sang, là? C'est-tu de la dialyse? Transfusion de... Attends un peu, changer de sang. Ah, de la dialyse, tu parles? Ouais. Je sais pas si c'est ça, attends. Je sais pas, ben, faut rappeler que tantôt, Tania a parlé de coronarienne en disant que ça avait rapport avec les yeux puis ça a rapport avec le cœur, finalement. Fait c'est vrai? Coronarienne? T'es pas très, très médicalement. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est sûr que ça a rapport avec le cœur. Mais non, c'est la... Non, c'est pas la carnée. Pour vrai? Ah ouais. Ah. Ça m'a popé dans la tête tantôt, mais fais-en pas que ça. Mais tu cherchais quoi? La dialyse. Dialyse. C'est une greffe, la dialyse. Attends. Est-ce que c'est une greffe de sang? Ça se peut-tu? On peut-tu dire qu'on se fait greffer du sang? C'est lorsque les reins sont incapables de soustraire complètement le sang de ses impuretés. Ah! Ben c'est pas ça pantoute. Eh ben non. Hey, on est poche. C'est une technique de purification de solution. Ah, parce que moi, c'est pas de ça que je parlais. Ah, c'est une épuration du sang, par exemple. Ah, donc, ben... Donc, c'est peut-être de ça que je parlais. Je fais juste l'humoriste dialyse pilote. Oh boy. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que on cherche à trouver du sang neuf. Et à faire donc ce procédé qui n'est pas de la dialyse tout ou faire des nouveaux ça. Compagnons. Ben oui! Wow. Sauf que finalement, on a parti sur une chose avec ça. Ça valait pas tant la peine? Non! On vient au Café Frida avec une nouvelle exposition, quand l'emballage devient fascinant. Oui, exposition d'Étienne Boisvert qui se concentre sur l'emballage en soi. Oui. Donc on sait que juste avant l'hiver, lorsqu'on se promène, par exemple en voiture, on voit souvent, les cèdres emballés d'une bâche verte. Oui. Des voitures recouvertes d'une bâche bleue. C'est là-dessus que s'attarde Étienne Boisvert dans son exposition où toutes les photos représentent un objet propre à la culture entre autres québécoise, parfois un petit peu plus large, et s'attarde à sa représentation lorsque recouvert d'une bâche. Des fois, on peut penser que c'est un autre objet. Par exemple, je me souviens avoir vu une balançoire et avoir cru que c'était un barbecue. Oh! Donc, as-tu été déçu ou surpris? Ou? Bah, agréablement surpris, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée, c'est avec cette exposition-là, c'est l'idée de révéler l'objet tout en le cachant. Wow. Pas faux. Voilà. Ouais, c'est une citation en passant de Marie-Christine. Okay, j'invente pas ça. Ça va la bravo, poétique. Marie-Christine, pour les beaux mots. Trois chroniques, comme toujours, en art et spectacle. On a, pour commencer, la tienne, chronique d'un lunatique. Il y a du pain et des jeux, Panem Circenses Rock'n'Roll. Bravo, t'as trouvé exactement la référence. Du pain et des jeux qui vient, en fait... de l'oisiveté du peuple de la Rome antique. J'ose croire que c'est peut-être quelque chose qui, culturellement, est un phénomène qui peut se reproduire aujourd'hui, disons-le, parce que c'est possible de s'écraser devant sa TV et d'en profiter à journée longue. Mm-hmm. Ouais. Donc, tout en mangeant du pain. Voilà. Ou autre, de plus croustillant. Ouais, exactement. La chronique littéraire Vision d'Anna, au lieu de choquer ses lectures. Au lieu de choquer ses lectures, pourquoi ne pas les consommer en livre audio? Ben oui! Ah ben oui, la nouvelle ère. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Aucunement. Non, pas encore, mais... Moi non plus, cool. On dirait... C'est niaiseux, je sais que c'est niaiseux. Ça existe depuis vraiment longtemps, en plus. Mais je me sens mal. Ouais? On dirait... C'est comme pas lire, mais pourtant, on a... Tous les mots sont là, Faut que tu te concentres. C'est une lecture. Oui. Mais est-ce que ça veut simplement dire que parce que dans la vie, quand on écoute quelque chose, on n'écoute pas vraiment, puis que là, on se sentirait mal de pas vraiment écouter? Peut-être, oui. Mais ton esprit divaguerait ailleurs, ouais. Peut-être. On est capable de s'imaginer même que souvent, c'est lu avec émotion, c'est même des fois lu par l'auteur ou lu par des acteurs qui ont vraiment de l'émotion, que toi-même. Quand des voice actors qui ont vraiment une expérience dans le domaine. Moi, je me souviens l'avoir fait. La dernière fois que j'ai fait ça, consommer un livre audio, autre que, mettons, le disque qui vient avec les livres de Fred Pellerin, genre d'ailleurs, c'est super le fun... soit le lire, ensuite l'écouter, ou vice-versa, ou juste écouter un show de Fred Pellerin en voiture. Ça, c'est à peu près le temps que ça prend de monter à Montréal. C'est juste parfait. Vous êtes sûr de ne pas vous endormir. Mais un livre audio, dernière fois que j'avais fait ça, c'était avec L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Ça, je lisais ça dans un cours, un de mes mêmes plusieurs cours de littérature que j'avais dans les dernières années. T'sais, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres à lire au bac, puis celui-là, j'étais vraiment pas capable. Là. C'était rough. À lire, excuse-moi Gustave Flaubert, mais J'avais trouvé ça vraiment difficile, puis j'avais essayé de le lire à haute voix avec des amis, puis finalement, je m'en suis remis au livre audio, puis même à ça, je vous avouerai avoir eu de la difficulté. Ouais. Pourtant, le gars qui lisait était vraiment intéressant, c'était pas sûr. Ah, mais je pense que c'est le but du livre, d'être laborieux, ouais, tu sais, c'est ça le point de l'histoire. Une histoire où il se déroule rien, puis où à chaque fois qu'il est pas arrivé de quoi, le personnage principal finit par choker. Mais si vous aimez ça, les livres audio, entre autres audible.com. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est vraiment fun. Toujours en art et spectacle et toujours en chronique, on a La Petite Ténébreuse, une série sur les tueurs en série avec Michel Robitaille qui nous parle de Mary Bell cette fois-ci. Ben oui, Michel qui a décidé qu'il s'attardait sur les tueurs en série, qui commence avec un cas que je ne connaissais pas, qui est plutôt étonnant, le cas de Mary Bell qui aurait commis son premier meurtre à l'âge de 10 ans. 10 ans. Hi, là, là. À 10 ans, poignardé. Non, c'est pas vrai, c'est pas poignardé. Elle a étranglé. Un de ses petits amis d'école. Ah, ben oui. Elle a étranglé, mais je crois qu'après ça, avec une de ses amies, ils sont allés un peu le mutiler. Ah, juste ça. Ouais, puis. C'était pas assez. Mais ça dit que les enfants. Ouais. C'est méchant, les enfants. Mais ce qui est triste avec l'histoire de Mary Bell, c'est que en fait, elle est l'enfant d'une prostituée et ne connaissait pas son père. Et dès l'âge de 4 ans, sa mère l'obligeait à vendre son corps. Wow! Donc, c'est peut-être, tu sais, je dis ça de même, mais c'est peut-être ça qui a occasionné... Ouais, mettons. Ça explique bien des choses. Tu sais, il l'a peut-être traité de putain, puis elle a pas aimé ça. Sachez qu'aujourd'hui, Mary Bell est sortie de prison. Ah. Elle a également une fille et gardait secrète cette histoire-là. Jusqu'à temps que ça sorte. Jusqu'à temps qu'un jour, des journalistes se rendent compte que c'était la même Mary Bell. Aujourd'hui... elle s'est battue pour avoir l'anonymat et on n'entend plus parler de ça. Ah, ok. Voilà. Parce que ça, faut quand même dire que oui, elle a commis des meurtres à cet âge-là, mais c'est dû à des traumatismes. Ouais. Ça veut pas dire que la madame aujourd'hui, c'est une psychopathe. Ouais, elle n'en fait peut-être pas. Elle a eu le temps de penser pas mal. Ça, c'est ça. Probablement qu'elle se sent donc coupable. Ouais. Probablement. Mary Bell, Mary Cloche, comment on l'appelle? Voilà pour les arts et spectacles. Il nous reste seulement les sports et c'est Tania qui s'en occupe. Eh bien oui, du côté de Louis-Philippe Carbonneau, on parle de hockey, bien évidemment. Trois articles sur le hockey cette semaine. Série éliminatoire des sports universitaires de l'Ontario. Le premier article, les Patriotes passent en finale de l'Est. Oui, samedi 27 février après-midi au Colisée de Trois-Rivières. Les visites, ça s'est passé. Contre, je suis en train de perdre mes mots. Les Ravens, les Ridgebacks, en premier lieu. Donc, les Patriotes ont gagné, de 1-0, si je ne me trompe pas. Et ensuite, s'annonçait donc pour jouer contre les Ravens, qui auront rendez-vous donc à Carleton lors de la finale de l'Association de l'Est. Le deuxième article, le premier match de la série entre les Patriotes et les Ridgebacks. Les Patriotes s'imposent 6-1 à Oshawa. Ben oui, 6-1. Donc, les Patriotes qui, encore une fois... On su s'illustrer de manière vraiment intense. C'est Marc-Étienne Hubert qui nous dit que les joueurs des Ridgebacks à ce moment aussi cherchaient à blesser les meilleurs éléments, qu'il a donc fallu beaucoup se protéger. Parlant de protection, c'est le gardien de but Sébastien Auger qui a su, semble-t-il, se faire un mur entre les joueurs et le but, car il n'en a pas laissé passer beaucoup. Disons. Non, en effet. La dernière article de cette série de Louis-Philippe Carbonneau, hockey finale de l'Est des sports universitaires de l'Ontario, direction le championnat canadien. Voilà, nous voilà déjà en finale de l'Est parce que les Patriotes ont su remporter et vont se rendre ensuite à Halifax pour le championnat canadien où ils se mesureront aux Mustangs de l'Université Western pour les honneurs de la Coupe Queen. Félicitations à eux. Du côté de UQTR, c'est une escapade dans un chalet pour clore la relâche. Ben oui, ben donc premièrement, c'est au relais en fait que se sont rendus les participants de UQTR. J'en profite pour mentionner que la prochaine activité va se dérouler à Vallée du Parc. On parle ici de luge alpine. Donc ça va être en fin de semaine. Jeudi 10 mars. Donc c'est ce jeudi, ce qui s'en vient, n'est-ce pas? Ça va coûter 20$, donc les activités du UQTR qui attirent toujours de plus en plus de gens et qui semblent toujours fort agréables, toujours plaisant d'aller de se pointer le nez dehors à ce temps-ci de l'année. Des fois, on n'a pas le courage. C'est vrai. Et on en parle avec eux les lundis habituellement, une semaine sur deux, à 9h. Vincent Mongrain nous parle de Patriote.tv, assurer la visibilité des équipes sportives de l'UQTR. Voilà, donc c'est quelque chose qui existe depuis quelques temps déjà, Patriote.tv, qui ont commencé seulement par diffuser le hockey, mais qui souhaitent étendre l'expérience, par exemple, au volleyball ou au soccer, qui ont été ajoutés l'année dernière à la Webo Diffusion. En ce moment, soccer plus difficile parce que lorsque les matchs se déroulent au Séminaire Saint-Joseph, on peut malheureusement pas les diffuser, faute d'équipement portatif, j'imagine, de budget, etc. Pas de Wi-Fi. Non, c'est ça, exactement. Malheureusement. C'est vraiment ça. C'est wow. Ouais. Pour vrai? Ouais. Mais c'est vrai, y a-tu Wi-Fi dans les écoles secondaires? Mais c'est que c'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Il y a pas de Wi-Fi dehors. Il y a pas de Wi-Fi à l'extérieur. Ça coûterait cher de LTE. Ouais. Un jour peut-être. Ouais. Un jour peut-être. Donc, Patriote.tv qui souhaite donner avec ça l'envie aux gens de venir voir le produit des Patriotes en vrai. Parce que c'est pas tous les matchs qui attirent beaucoup de gens, mais on souhaite que dans le futur, ça arrive. Parce qu'on a des bonnes équipes à l'UQTR. Parlant de matchs extérieurs et de soccer, eh bien, au soccer masculin, Chloé Labrevue nous parle des Patriotes qui s'imposent enfin. Ben oui, le soccer masculin qui avaient eu un peu de difficultés lors de leur dernier match. Le match qui s'était, par exemple, incliné contre l'UQAM le 7 février 3-2. Ensuite, contre McGill qui avait gagné 2-0 contre l'UQTR. Cette fois-ci, la semaine de relâche semble avoir été bénéfique pour les joueurs de soccer puisque contre Concordia, on aura gagné 3-0. Donc, ce qui est un fort bon pointage. Ensuite, contre Sherbrooke, le 6 mars, on a gagné 4-1. Donc, bravo aux Patriotes qui semblent remonter la pente cette fois-ci. En effet, excusez, pardon, j'étais en train de lire l'article. Les matchs éliminatoires débuteront le dimanche 13 mars au Centre sportif Alphonse Desjardins de Trois-Rivières et au Complexe sportif Marie-Victorin à Montréal. Donc, restez à l'affût si jamais vous voulez aller voir les matchs de soccer. Voilà. Et c'est tout pour les sports du beaucoup. Zone Campus. On retrouve le Zone Campus numéro 13, ce volume 11, à partir d'aujourd'hui, plus tard en avant-midi, sur le campus du QTR, dans plusieurs commerces à Trois-Rivières, zonecampus.ca pour le blog, et on va liker la page Facebook pour partager les articles. Louis-Philippe Quentin, le rédacteur en chef, merci à toi. Merci. Puis là, Mathieu, est-ce que tu as été chercher la toune que je oui, t'ai demandé? Exactement. Tu l'as trouvée? C'est la pièce de Daniel Boucher? Oui, Salon Magique. Salon Magique. On va écouter ça à la toute fin de l'émission. Mais pour l'instant, ça va être le moment de se terminer ça en beauté. Et on va se retrouver demain, entre 6h30 et 9h30. Demain à l'émission, on sera mercredi. Et on va voir Alexandrine Pichessire qui va être de retour demain pour sa chronique. En fait, je sais pas si c'est la même chronique que l'année passée, mais je vais juste dire la chronique d'Alexandrine Pichessire. Ouais, c'est ça. À 8h, Sébastien Gartin va être avec nous pour parler de d'actualité. En fait, un petit peu au niveau québécois, canadien. Elle s'appelle Bulletin Gartin. Et à 8h30, Frédéric Bernard et Google Globe. C'est l'émission de demain. Pour aujourd'hui, on remercie encore une fois Louis-Philippe Quentin. Merci à Jimmy Thibaudeau pour C'est dans le monde que ça se passe. Merci à Gabriel Béhout pour Dans les coulisses de la Luître. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, la rediffusion de Rock de Neuron. À 15h, Tania et moi serons de retour pour les Pavarais C'est fou. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. C'est fou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Merci, Tania. Merci à toi, Mathieu. On se retrouve demain à 6h30. Et comme on l'a dit, on se quitte avec Daniel Boucher et Salon Magique. À demain. Bye. Bye. Bon café. C'était dans le temps du calumet, j'étais couché chez Dave Duvet. Sur son vieux divan, j'avais 24 ans. Fait que j'étais chez Dave, pis là j'ai fait un rêve. Pis là dedans mon rêve, j'ai serré la pince d'un chevalier. Dans un salon magique, plancher mou, plafond flou, pis des pianos partout, partout, partout, partout. Il était planté là dans la porte d'entrée. On est habillon ben chic. Face de tout, œil de fou, pis l'air solennel de me dire bravo, bravo, bravo, vous. J'ai rêvé ça. Il me regardait dans le fond du blanc, les yeux intenses comme un sèche argent, candide comme un enfant heureux, silencieux. Il me félicitait. Jamais su pourquoi, mais c'est ce que je ressentais. Ça fait que j'ai rêvé ça. Il y avait la tête par en arrière comme ça. Il me fixait l'œil, l'œil exalté, exalté. Si je lâche pas d'en parler. Oui, mais c'est à ça que j'ai rêvé. Puis lui non plus me lâchait pas l'œil. Il me tenait là. Il y avait pas mal d'ambiance quand je t'entrais. Il y avait pas juste des pianos partout. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. C'était plein d'escaliers ronds et tout. Colimaçon qui monte jusqu'au bout. Rumeur épique, opaque, du monde qui jase. Vous êtes la musique qui joue. D'un chimpanzé en communion cosmique, grand poil roux, linge de boue. J'oublierai jamais, jamais ce rêve-là. Comprenez-vous? C'était dans le temps du calumet. J'étais couché chez Dave Duvet. Ha ha ha ha!